ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع هذه الخطبة، وأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه، والتنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب، وأن البصيرة فريضة، العلم فريضة، لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله، رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيوجه قوما أهل علم وجدال من اليهود والنصارى، ليكون على هيبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوته بالأهم، فالأهم فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس، فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقامة الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله، فاستشرف الصحابة بذلك، كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير. فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه، ثم حضر فتفل النبي، يعني بصق، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من رقه المباركة، فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا، وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حسن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام، فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض. ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية، فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل وأن يرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد، serviteur d'Allah، craignez Allah عز وجل comme il se doit، et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah عز وجل seul. Craignez Allah عز وجل. Où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez, crains Allah Azza wa Jal et rappelle-toi que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Et que la meilleure des guidées des voix et la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et que les pires des choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah le Très-Haut. Et que toutes ces choses qui sont nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah azza wa jal, tout cela s'appelle des innovations religieuses. Et toutes les innovations religieuses sont un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde d'accommoder un mubtadi', un innovateur, ou de le supporter ou de le défendre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qui est rapporté par Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'ana Allahu man awa muhditha » Allah a maudit celui qui supporte un innovateur. Et comme on l'a vu la semaine passée, il y a deux semaines, concernant la définition du péché majeur, on se rappelle que ce qui fait partie d'un péché majeur, c'est lorsqu'on lit dans un texte, le Coran ou la Sunna, on lit que, eh bien, celui qui fait telle chose, eh bien, c'est un péché majeur. Ou bien, une menace de l'enfer pour quiconque fait telle ou telle chose. Ou bien, le troisième point, le fait que celui qui fait telle ou telle chose reçoive la malédiction d'Allah, des anges et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc supporter un innovateur fait partie des péchés majeurs. Donc on se doit de craindre Allah azza wa jal comme il se doit. Par la grâce d'Allah azza wa jal, nous avons pu voir ce qu'est le tawhid, le pur monothéisme à Allah azza wa jal seul. Tout ce qu'il impliquait et l'importance de s'éduquer dans la religion d'Allah azza wa jal afin de comprendre et afin de mieux connaître Allah azza wa jal. Car le mieux tu connaîtras Allah azza wa jal, le plus tu le craindras. Le mieux tu connaîtras le droit d'Allah azza wa jal, le mieux tu feras en sorte de respecter son droit et de donner le droit à Allah azza wa jal. Et c'est dans le sens inverse si l'individu ne s'éduque pas dans la religion. Le moins il connaît Allah, le moins il va craindre Allah. On différencie bien entre un individu qui constamment se rappelle qu'Allah Azza wa Jal l'observe constamment, comparé à un individu qui n'y pense même pas. Le premier craindra, inshallah, Allah Azza wa Jal, puisqu'il sait qu'Allah Azza wa Jal l'observe constamment. Donc, il évitera de dire des propos, des insultes, des gros mots, des choses mauvaises, ou bien tomber dans la riba ou la némima, parler sur les gens dans leur dos, etc. Parce qu'il sait que tout cela, Allah Azza wa Jal ne l'agrée pas et ne l'aime pas. Donc, il va craindre Allah Azza wa Jal. Et il va éviter tout cela. Tandis que celui qui ne se rappelle même pas qu'Allah Azza wa Jal l'observe constamment, eh bien, il n'aura aucun problème à s'asseoir dans les cafés et à commencer à parler sur un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Subhanallah. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Car avant de rentrer dans cela, on se doit de se poser comme question, où j'en suis moi dans ma relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que je vais commencer à balayer les portes des gens et délaisser la mienne? Subhanallah. Donc lorsque l'on comprend l'importance de s'éduquer dans la religion d'Allah Azza wa Jal et de connaître Allah Azza wa Jal, de connaître ce qu'est le tawhid d'Allah et ce que signifie la ilaha illallah. Car c'est une énorme malédiction qui a atteint cette communauté, qui est l'ignorance, le fait que le musulman lui-même ne sait même pas ce que signifie la ilaha illallah. Il n'y a qu'un Dieu. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Il n'y a qu'un Dieu. Et des gens font de la da'wah, ils ne savent même pas ce que signifie la ilaha illallah. On est musulmans, subhanallah. La ilaha illallah, le premier pilier de l'islam, on ne sait même pas ce que ça signifie. On ne connaît même pas ses conditions. On ne connaît même pas ce qui l'invalide et ce qui l'annule. Il ne faut pas avoir cette ferme conviction que si on est musulman, c'est à vie. C'est pas comme ça. Des gens rentrent, sortent de l'islam, ils ne savent même pas qu'ils sont sortis de l'islam. Par une parole qu'ils ont dite, par une moquerie sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsque le musulman connaît ce qu'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal, il l'a compris, il l'applique sur lui-même. Car l'importance de l'éducation et de le fait de s'appliquer sur lui-même ce qu'on apprend, eh bien, on corrige notre relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque on est dans cette étape-là, on corrige notre relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, c'est la relation avec le monde qui nous entoure qui s'améliorera. On sera meilleur avec les gens, on craindra Allah Azza wa Jal de outrepasser les droits des gens. On fera attention à son voisin, on fera attention de respecter les droits, les pactes, les engagements. Car le pacte, on sera interrogé dessus le jour de la résurrection. Et ta carte d'identité, ton titre de séjour, est un pacte que tu as toi en tant que musulman dans ce pays vis-à-vis de ce gouvernement. C'est-à-dire que tu te dois de respecter ce pacte-là. Qu'est-ce que ça implique respecter ce pacte-là ? Ça implique que tu ne dois pas être quelqu'un qui triche, qui ment, qui vole, qui fait du mal aux gens. Donc lorsque l'on comprend tout ce que cela implique, on l'applique sur soi-même, mais les gens ont un droit sur nous, c'est qu'on les invite au bien. Comme nous, alhamdoulilah, on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous guide sur la voie droite, on s'éduque, on apprend, ensuite on transmet. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, dit « Voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. » Nous basant sur une preuve évidente. Et les points à retenir vis-à-vis de ce verset, c'est que tout d'abord, eh bien Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi et ceux qui me suivent, qui suivaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du temps de la révélation, ce sont les sahaba. Donc, la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba, donc c'est appeler, inviter les gens à Allah Azza wa Jal. Eh bien le fait de les inviter à Allah Azza wa Jal, c'est le chemin, c'est la voie de ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est important également, c'est de vouer son attention, qu'elle soit faite sincère pour Allah Azza wa Jal seul. Car même si beaucoup de gens appellent à suivre la vérité ou invitent à Allah, nombre d'entre eux appellent en réalité à suivre soit leur propre personne, ou soit leur secte ou leur groupe. Et tout cela ne fait pas partie de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir dans les hadiths qui sont rapportés dans les deux sahih. Ce qui est également important, c'est que j'invite à Allah, moi et ceux qui me suivent. On se rappelle du verset, moi et ceux qui me suivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il invite à Allah ainsi que ses compagnons, se basant tous sur une science. C'est-à-dire que la da'wah, l'invitation à la ilaha illallah, se fait avec science. On ne dit pas à un ignorant de se lever et d'inviter les gens à Allah. Faqir al-shay lam yu'ti, celui qui n'a rien dans sa poche ne peut rien donner. Et parler sur Allah Azza wa Jal sans science est pire que celui qui commet du shirk, du polythéisme, de l'associationnisme majeur. On sait que l'associationnisme majeur, c'est le pire des péchés. Mais parler sur Allah Azza wa Jal sans science, c'est pire que celui qui commet du shirk. Car celui qui commet de l'associationnisme, il ne se nuit qu'à lui-même. Tandis que celui qui parle sur Allah Azza wa Jal sans science, eh bien cet individu se nuit à lui-même et il nuit toute une communauté. Toute une communauté. Si bien que les gens qui entendent de lui des choses qui ne sont pas correctes, il va penser que ceci est la vérité. En apparence, il a la sunna. Il nous a dit ça, j'ai entendu ça, et ça va s'imprégner, et il va croire que c'est la vérité. Comme une fois, un individu est venu dans une mosquée. Mes frères, la ilaha illallah, c'est de croire sincèrement qu'Allah est ton créateur. Subhanallah. Voyez le jahl, où est-ce que ça mène ? Abu Jahl, qui est la tête du kufr, savait ce que signifiait la ilaha illallah. Et c'est pour ça qu'il a refusé de le prononcer. Car il savait que s'il le disait, il serait obligé de se désavouer de toutes les choses qu'il adorait en dehors d'Allah. Et que l'adoration doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal seul. Car seul Allah mérite l'adoration en toute vérité. Et les mushrikin du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient ce que la ilaha illallah signifiait. Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu leur questionnes, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Si tu leur questionnais qui vous a créé, les mouchriquins répondront c'est Allah. Ils savaient que Allah c'était leur créateur. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard wa sakhara ash-shamsa wal-qamar la yaquluna Allah. Si tu leur questionnais qui a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune, ils répondront, les associateurs, ils répondront, c'est Allah. Ils n'ont jamais renié qu'Allah est leur créateur. Mais ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Car ils ont refusé que l'adoration soit vouée uniquement à Allah Azza wa Jal, et ils ont refusé de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'on invite à Allah Azza wa Jal, eh bien d'avoir la science correcte. Et la science correcte, c'est Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent, et on comprend le Coran et la sunna selon la compréhension des sahaba et de ceux qui les ont suivis à la perfection. Et non pas je prends un verset et je vais dire, eh bien regarde, Allah il dit ça et je vais donner ma propre explication personnelle. Ce n'est pas comme ça. Car tous les dégâts qui se déroulent actuellement de nos jours, et dû à ça, les gens ils prennent un verset, ils ne comprennent même pas les causes de la révélation de ce verset, ils ne savent même pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme explication sur cela, et ils tournent leurs propres explications et ils affilient cela à la vérité. Un autre point, un des plus importants, c'est que lorsque on se doit d'être sincère dans l'invitation à Allah Azza wa Jal, on doit inviter qu'à Allah, on ne doit pas inviter, comme j'ai dit tout à l'heure, à un groupe ou à rejoindre un groupe ou à rejoindre une secte ou à rejoindre je ne sais pas quoi. C'est Allah Azza wa Jal qu'on invite. Ton souci ne doit pas être le nombre de personnes qui t'écoutent. Ton souci est de transmettre correctement le message de façon claire et de la façon la plus correcte. Et que le musulman se doit de s'éloigner des polythéistes, des associateurs, afin de ne pas en faire partie, même si lui-même ne connaît pas d'acte d'associationnisme. Dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le Sahih, Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh radiallahu anhu, lorsqu'il l'envoya au Yémen, tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre, yani les juifs et les nassara, les chrétiens. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée en toute vérité, excepté Allah. Et dans une autre version, on trouve la première chose que tu les invites soit qu'ils unifient Allah dans l'adoration. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières, de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas à leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Et l'opprimé, qu'il soit musulman ou qu'il soit un mécréant, si tu as opprimé quelqu'un qui n'est pas musulman, tu l'as opprimé, tu lui as fait du mal, tu n'as pas respecté son droit alors que tu es sous un pacte avec les papiers que tu as, eh bien, s'il invoque Allah Azza wa Jal, son invocation est exaucée par Allah Azza wa Jal, car il a été opprimé. Et on voit bien l'importance de la science surtout dans les temps de fitna et de troubles. L'importance de la science, je ne cesse de le répéter, il n'est pas possible qu'un musulman qui lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui lit le Coran en revenant au tafsir, puisse commettre ce qu'on a pu voir en termes d'actes de terrorisme, etc. Il a cassé le pacte qu'il y a. وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا. Et respectez vos engagements, car vous serez interrogés sur les engagements, sur les pactes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ. La première chose qui sera jugée entre les gens le jour de la résurrection, c'est sur le sang qui a coulé. Comment un musulman qui lit ce hadith-là ne peut pas craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit ? Le sang qui a coulé. La première chose sur laquelle se fera juger, qui se fera juger entre les gens, c'est sur le sang qui a coulé. Et on voit dans ce hadith-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé tous ces sahaba comme ça. Allez-y, faites la da'wah. Restez-y 40 jours, 4 mois. Allahu musta'an. Il a choisi parmi les savants de ses sahaba. Il n'envoyait pas des ignorants. Il a choisi parmi les savants. Il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, au Yémen. Et il lui a montré la façon comment on fait la da'wah. Tu n'invites pas tout d'abord les gens à faire la prière, à faire la salette ou à porter le hijab. Non! Car ce n'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Car ce n'est bénéfique en rien. Tu n'invites pas les gens à commencer à dire aux gens dans ta da'wah, il faut que vous soyez gentils. Mes frères, il y a des imams qui font pendant 20 ans des khotab, pendant 20 ans, ce n'est que sois gentil avec ton voisin. Et les musulmans ne connaissent rien de leur religion, ne connaissent rien de la aqida, ne connaissent rien du tawhid, et ne connaissent rien du shirk, ne connaissent rien de la sunna, et ne connaissent rien de la bid'a. Sois gentil, sois gentil. Subhanallah. Mais avec quelle aqida? Vous voyez la aqida, l'éducation, si ta aqida est correcte, tu crains Allah Azza wa Jal. Ta relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal s'améliore, cela découlera sur ton environnement. Qui s'améliorera. Tu crains Allah sur le droit de tes voisins, de tes frères. C'est pour cela qu'il faut commencer par le tawhid avant toute chose. Même avant la prière. Car si tu invites un frère à faire la prière, ou tu l'invites à venir à la mosquée, il va c'est-à-dire il va avoir être pudique vis-à-vis de toi, il va avoir un peu honte, donc il va te suivre. Tu vas rester un moment et tu vas partir. Lui, il va repartir où est-ce qu'il était. Parce qu'il n'a pas été invité à corriger sa relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. À craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Donc c'est pour cela qu'il est important d'inviter tout d'abord au tawhid. Et le sens de l'expression qu'ils unifient Allah est celui de l'attestation « La ilaha illallah » « Nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité, excepté Allah. » Et une personne peut faire partie des gens du livre, mais sans connaître ce que signifie « La ilaha illallah ». Et on sait que les juifs disent « La ilaha illallah ». Les juifs disent « La ilaha illallah ». Ils disent qu'ils n'adorent que Allah. Et ils sont contre l'associationnisme. Mais ça reste des kofars. Pourquoi? Car ils mécroient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils mécroient au message auquel a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas juste dire la ilaha illallah, mais c'est de la science avant le fait de parler et d'agir. Tu sais ce que tu dis, tu comprends ce que cela implique. Tu l'agis dessus, tu l'as compris, tu agis dessus. et tu invites les gens à cela par la suite. Et on voit aussi, d'après ce hadith, l'importance d'enseigner par étapes. On voit du plus important, d'accord ? Le plus, tout est important dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit on va du plus important. L'aqid, le tawhid. Puis ensuite on parle de la prière. Puis ensuite, d'accord ? Au fur et à mesure. Et on voit aussi que le savant dissipe les équivoques de l'esprit de l'étudiant. Pourquoi ? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en choisissant parmi les savants, parmi ses sahaba, il sait que les gens auxquels il va envoyer Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, ce sont des gens qui ont des équivoques, qui ont des choubouhettes, et qui ce sont des gens qui veulent argumenter. Donc il faut quelqu'un qui connaisse la religion. Et non pas, il va être en face de quelqu'un, il va lui planter un équivoque et il ne saura pas quoi répondre. Ou bien lui-même va peut-être quitter l'islam parce qu'il a eu une mauvaise compréhension sur cela, qu'Allah nous en préserve. Enfin, dans le hadith qui est également rapporté par Bukhari et Muslim dans leur sahih, d'après Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar, « Demain je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète. » Et qu'Allah et son prophète aiment. C'est par cet homme qu'Allah nous donnera la victoire. Les sahabas, les compagnons, passèrent alors la nuit à discuter de celui d'entre eux à qui l'étendard sera remis. Chacun, ils disaient, qui c'est qui va recevoir l'étendard. Le lendemain matin, ils se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre eux, espérant se voir confier l'étendard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Où est Ali ben Abi Talib ?» Vous voyez, on ne doit pas rechercher à demander une chose. Subhanallah, celui qui ne l'a pas demandé, eh bien, elle l'a reçu. Celui qui ne la voulait pas, l'a reçu. « Où est Ali ben Abi Talib ?» On lui répondit, « Il se plaint de douleur aux yeux. On envoyait quelqu'un le chercher, on l'amena devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cracha sur ses yeux. » Il invoqua Allah en sa faveur et Ali radiallahu anhu fut alors immédiatement guéri, comme si aucun mal ne l'avait touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia l'étendard et lui dit « Avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position. Puis, invite-les à embrasser l'islam. » Voyez la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment un réfute ces khawarij de takfirin, de terroristes. Voyez la sunna. Invite-les à embrasser l'islam. Est-ce que ces ignorants et ces égarés, ou pour être plus précis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés, est-ce que ces chiens de l'enfer, ces lâches, ces traîtres, est-ce qu'ils invitent les gens à l'islam, mais eux-mêmes ne connaissent même pas l'islam. Mais le problème dans tout ça, c'est que ces chiens de l'enfer s'affilient à l'islam. Et ils se mettent à dire Allahu Akbar. Et on se demande si ces individus ne travaillent pas avec les ennemis de l'islam afin de détériorer l'image de l'islam. Mais l'islam, walillah alhamd, sa religion est claire, c'est une religion de miséricorde qui invite les gens à Allah Azza wa Jal. On espère qu'Allah Azza wa Jal guide tous ces kuffars. On ne souhaite l'enfer à personne. On ne souhaite pas que des gens rentrent en enfer. Mais s'ils meurent sur leur mécréance, alors on dit, alors ils sont en enfer. C'est une religion de miséricorde. Tu invites les gens à Allah Azza wa Jal. Parce que tu leur souhaites le bien. Tu souhaites qu'Allah Azza wa Jal les guide. Vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti inviter les gens à Allah Azza wa Jal, et qu'ils ont envoyé leurs enfants, qui leur jetaient des pierres, et qu'ils l'ont insulté, et qu'ils l'ont traité de tous les noms. Vous croyez qu'il a envoyé ses sahabas en leur disant, faites-leur des... Jibril, alayhi salam, est descendu, et lui a demandé s'il voulait fracasser ce peuple entre deux montagnes. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a refusé, en disant qu'il espérait que de leur descendance, il y aura des gens qui seront musulmans. Voyez comment l'islam réfute tous ces égarements et toute cette corruption et tout ce mal. Donc, dans ce hadith, on voit notamment que la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que sa salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les yeux de Ali, c'est un signe de sa prophétie puisqu'elle l'a guéri. On voit le mérite de Ali radiallahu anhu et le mérite des sahaba qui ont discuté, qui eux voulaient ce bien-là car ils espéraient être honorés par ce bien-là. Et on voit également dans ce hadith l'importance d'inviter les gens à l'islam avant toute chose. L'importance d'inviter les gens à l'islam avant toute chose. C'est pour cela qu'on se doit de connaître le droit d'Allah en islam et la récompense de celui par l'intermédiaire duquel un homme fut-il le seul et guidé. Si, de par Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal guide une personne de par ta main, c'est mieux pour toi que d'avoir des chamelles rousses du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani c'est une richesse énorme. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme étant la vérité et qu'on la suive et qu'on s'y accroche et de nous montrer le faux comme étant le faux et qu'on s'en écarte, qu'on s'en désavoue et qu'on met en garde contre. Et si vous connaissez n'importe quel individu qui traficote avec ce genre de personnes qui veulent corrompre, qui veulent semer la corruption sur terre, il est de votre devoir en tant que musulman, et ceci est la parole des savants de la Sunna, si vous avez une ferme information qui est claire, qu'un individu s'affilie au terrorisme, ou bien encourage le terrorisme, il est de votre devoir en tant que musulman de le dénoncer, car il commet beaucoup plus de mal à l'islam que les ennemis eux-mêmes de l'islam en commettent. Et cela se répercute sur quoi? Sur des mosquées qui se ferment, des musulmans qui se font fichés S, pour tout et rien. Tout cela par le fait que des individus qui ne veulent pas s'éduquer dans la religion d'Allah, qui ne fréquentent même pas les mosquées, qui passent leur temps dans le trafic de drogue, les crimes, le crime organisé ou pas organisé, pour eux c'est facile. Voyez ce qu'il a fait. Il vole une voiture, il tue des gens. Subhanallah. Si on avait été dans un pays musulman qui applique la sharia d'Allah Azza wa Jal, et qu'un tel a volé le bien d'un autre, sa main est coupée, car c'est un péché majeur. Ça ne fait pas partie de l'islam, ça. Tuer les gens comme ça, ça ne fait pas partie de l'islam. Voyez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, il invitait les gens à Allah Azza wa Jal, et il patientait sur le mal que ces gens-là lui causaient. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batil batil warzuqna ijtinabahu. Allahumma izz al-islam wal muslimin, Allahumma izz al-islam wal muslimin, Allahumma izz al-islam wal muslimin, wa adhill ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ud-din, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Sallallahu.